Tu as pris les clés? Oui. Non. Quoi? Elles étaient dans la poche de ta veste, non? Je ne les trouve pas, non. Pas de panique. Je vais passer par la fenêtre. Hé, attends. Les voilà.